Bonjour, c'est Michel Monette au micro pour la prochaine heure. C'est l'émission Les Oreilles Ailleurs. Nicolas Edward Cave, Nick Cave, est un artiste pluridisciplinaire, australien. Il disait cet été à Alain Brunet, Nick Cave disait cet été à Alain Brunet de la presse, qu'il l'interrogeait en lien avec le documentaire 20,000 Days on Earth, 20 000 jours sur la Terre. C'était le 20 millième jour de Nick Cave sur la Terre à ce moment-là, dans le documentaire, pardon. Alors, Nick Cave disait à Alain Brunet, « J'adore donner des spectacles courts dans le cadre de festivals. Tu dois présenter tout de suite une matière consolidée, fusionnée, compacte, deux ou trois punchs, et voilà. » L'album dont sont extraites les deux premières pièces qu'on va entendre aujourd'hui est un enregistrement d'un spectacle qui a eu lieu en Pologne pour souligner le 20e anniversaire du festival Przegląd Piosenki Aktorczej. Le lien avec Nick Cave? Eh bien, le spectacle présentait des chansons de Cave, traduites en polonais par le compositeur, chanteur, poète et directeur artistique Roman Kolakowski. Ce sont des chanteurs et des acteurs polonais qui les chantaient, dont Anna Maria Jopek et Maciej Malenchuk, qu'on va entendre dans Henry Lee. Mais après la version polonaise de la chanson « Into My Arms », dans laquelle on entend Nick Cave lui-même, qui est présent sur scène lors de ce spectacle. Il va intervenir d'ailleurs à la fin du spectacle. Si vous voulez l'écouter à la fin, ben je vous recommande d'écouter l'album Vmoj Ramojnak, qui est l'enregistrement de ce spectacle qui date de 1999. La chanson Into My Arms est interprétée par Stanislas Sojka. C'est un chanteur de jazz et de musique pop, mais aussi un pianiste et un compositeur polonais. Écoutons donc Sojka avec Nick Cave et ensuite Jopek et Malenchuk. Światło świec, o świeciu ciemności, by byś mogła iść jak święta w aureoli mej miłości. Wprost w ramiona me, mówię, wprost w ramiona me. Wprost w ramiona me. But I believe in love. And I know that you do too. And I believe we can choose our path. And walk down me and you. So keep those candles burning, make a journey bright and pure, that you'll keep returning always and evermore. Thank you. Dziękuję. Dziękuję. Kraczą brony nad tym. Wyobrażasz sobie wieczność całą. Zrobiłeś błąd, zielony ląd, to teraz gnijące ciało. C'était la version polonaise de la chanson de Nick Cave, Henry Lee. C'est tiré de l'album Ramonak. Je vous salue bien bas d'ailleurs. En passant, si vous êtes polonais, que vous écoutez cette émission, puisque l'émission sera entièrement en polonais, ce ne seront que des artistes polonais que vous entendrez, dont le suivant, qui s'appelle Raz Dwa Trzy. C'est la version, en fait, c'est la façon polonaise de dire 1, 2, 3. Raz Tra Dwa Trzy est un groupe polonais qui mélange le rock, le jazz, le folk avec la poésie contemporaine. C'est un groupe qui a été fondé en 1990 par des étudiants du Collège pédagogique de Zielona, Góra, qui est maintenant une université, en février 1942. 1000 juifs de Belz sont expulsés dans les camps de la mort. En mai 1942, vont suivre 1540 juifs. Ils sont à leur tour déportés en septembre de cette même année. Écoutons Miastecko Belz, la ville de Belz, par le groupe Raz Dwa Trzy. Już nie bój się nocy i ludziom w oczy patrz w miasteczku Bełc. Minęło tyle lat, harmonia znów gra, obłoki płyną w dal, znów toczy się świat. Wypiękniał nasz Bełc w ogrodach, na grobach Bełc. Nikt nie chce pamiętać, nikt nie chce znać smaku łez. I tylko gdy śpisz samotny i sam, i tylko gdy śpisz, gdzie tata i mama przy tobie są znów i cicho pilnują samotnych tych snów. Miasteczko Bełc, kochany mój Bełc, w poranne gazety ubrane spokojnie się budzi Bełc. Łagodny świt porannych dni rytm, w niedzielę bezpieczna nad rzekę wycieczka w krzakach drzew. W piekarni pachnie chleb, koń na to pierścionek na szczęście w przemyśle zajęcie w niedzielę chrzest. Białe ziarno, czarny mak, podejrzany słodki smak. Kroki w sieni, nie drżyj tak, to nie oni, to tylko jak zasypia, a mama tak śpiewa mój. Zaśnij, że już oczka swe zmruż. Są czarne, a szkoda, że nie są niebieskie. C'était le groupe Razadvatrzy dans Miasteczko Belz, la ville de Belz. Difficile de classer la musique de la prochaine chanteuse qu'on va entendre, Renata Wrzymik. Ni rock, ni musique alternative, ni chansonnière, ni c'est un peu de tout cela à la fois. Elle-même, elle décrit sa démarche artistique comme, là je vais la citer, une traduction de ce qu'elle a dit, une recherche incessante de tonalités, de sonorités, d'émotions et de climax musical, chaque fois différent. Il y a quand même un élément qui est commun à tous ses albums, c'est l'accordéon. C'est un instrument qu'elle aime beaucoup, au-delà de toutes les tendances et de toutes les modes musicales. Bien qu'elle ait donné des spectacles à l'extérieur de la Pologne, elle dit qu'elle préfère le public polonais, parce qu'il est à même d'apprécier les paroles de ses chansons. La plupart composées par sa complice de toujours, Anna Sarianeka. Anna Sarianeka, qui est aussi sa gérante. Vous et moi, on va quand même pas se priver pour autant du plaisir d'entendre sa voix et sa musique, à défaut de comprendre les paroles de la chanson Jazz qu'on va entendre d'abord, suivie de Babe Zazla Bok. Les deux sont tirés de l'album Ciemek w Trojcie. Vous en faites pas si vous ne trouvez pas les. Si vous avez de la difficulté à retenir ou à écrire le nom de cette chanteuse, de ces chansons ou des autres. Vous n'êtes pas polonais, ou même si vous êtes polonais, parce que mon polonais n'est pas aussi bon que celui d'une personne qui est polonaise d'origine. Vous en faites pas, ou qui a étudié le polonais, vous en faites pas, tout ça est sur le blog Les Oreilles Ailleurs, lesoreillesailleurs.net. Comme à chaque semaine, chaque émission se retrouve sur le blog avec le nom des artistes, le nom des albums aussi d'où sont extraites les chansons. Écoutons donc Hot Jazz. Najdroższy bilet i ustawiasz się do jazdy przodem, lecz skąd możesz wiedzieć, gdzie los ma początek swój, a gdzie ma ogon? Przecież to nie ty rozkładasz te tory, nie masz na to wpływu, gdzie ich koniec. Myślisz, jestem głupie jak wyjątko, ale mylisz się. Co to da, że przy oknie usiądziesz, nawet wśród niepalących? Podróż tak samo skończy się, gdybyś w korytarzu stał. O cały swój bagaż martwisz się, nie zaśniesz skoro z tobą jedzie. Jakbyś się zachował, gdyby on poza. został, ale zniknął przedział. Przecież to nie ty rozkładasz te tory, nie masz na to wpływu, gdzie ich koniec. Myślisz, jestem głupie jak wyjątkowy, ale mylisz się. Co to da, że przy oknie usiądziesz, nawet wśród niepalących? Podróż tak samo skończy się, gdybyś w korytarzu stał. Tylko tego, czy twój pociąg będzie opóźniony. Czemu się nie boisz wcale, że on jedzie w niewłaściwą stronę? Przecież to nie ty rozkładasz te tory, nie masz na to wpływu, gdzie ich koniec. Myślisz, jestem głupie jak wyjątkowy, mylisz się. Oh.

une production de Parenthèse 9, présentée grâce au soutien de Première Ovation et en collaboration avec Le Cercle, le Festival de la bande dessinée francophone de Québec et CKRL. Psst, vous ne pouvez pas vous rendre sur place? Écoutez la lecture des textes en direct sur les ondes du 89.1. Ouais, quelle belle idée, la lecture en direct sur les ondes. J'ai déjà fait dans le passé, d'ailleurs, de la lecture de magazines, d'articles et tout ça pour des gens, des non-voyants. C'est possible de le faire. Je me rappelle plus du nom de l'organisme. Il y a un organisme à Charlebourg. Si vous cherchez une activité bénévole à faire, c'est une belle cause. Je vous ai dit tantôt, si vous étiez à la première demi-heure de l'émission, mon nom est Michel Monette, c'est l'émission lesoreillesailleurs.net jusqu'à 16h, et après c'est Topic du Capricorne avec Michel Bonaparte. Je vous dis donc que je vous ferai écouter une pièce qui vient à peine de sortir du groupe Vous. C'est un groupe polonais fondé en 1985 par Wojciech Waglewski. Vous, d'ailleurs, c'est les initiales de son nom et de son prénom. C'est un mélange de rock, de folk, de différentes cultures aussi, de folk, pas juste du folk polonais, du folk de différentes cultures d'Europe de l'Est, entre autres, avec des improvisations. Parfois, ça frise le free jazz. Très intéressant comme groupe. Ils ont, tout récemment, ils ont intégré le hip-hop, le new jazz dans leur composition. Fascinant ce groupe, c'est vraiment fascinant. Je l'avais présenté d'ailleurs cet été dans l'émission parue le 27 juillet, que je vous ai présenté le 27 juillet. Je me suis trompé d'ailleurs, je vous ai dit que la pièce était sortie le 27 juillet. C'est pas vrai, elle vient à peine de sortir, elle vient de sortir en septembre. La pièce s'intitule Pogodzinak. C'est un single, donc c'est une pièce seule, ça fait pas partie d'un album, probablement qu'ils sont en train de préparer un album. Ça s'écrit V-O-O, espace V-O-O, vous, si vous voulez en savoir davantage sur ce groupe. Je vous les recommande fortement. On écoute donc Pogodzinak. C'était le groupe Vouvou dans Pogodzinok. La prochaine chanteuse, Kasia Kowalska, elle est polonaise. Comme je vous le disais, si vous étiez là depuis le début de l'émission, c'est une émission entièrement polonaise cette semaine. Kasia Kowalska, de son nom Katarzyna Kowalska, elle écrit elle-même toutes les paroles de ses chansons. Elle participe aussi parfois à la composition de ses musiques. Ces musiques qui sortent souvent du style rock, on a tendance à la classer dans le style rock, cette chanteuse polonaise, mais elle est capable d'en sortir. Elle est plusieurs fois disque platine, donc c'est une chanteuse réputée, renommée en Pologne. Elle est devenue une artiste de premier plan d'ailleurs dans ce pays. On dit d'elle que c'est une véritable bête de scène parce qu'elle a de très grande capacité vocale, mais aussi parce qu'elle a un grand sens de la communication avec son public. On va l'écouter dans une chanson qui s'intitule « Obsé astronome ». Ça, c'est tiré de l'album « Noia Kres ». C'est un album paru en 2010. Ensuite, on va enchaîner avec le chanteur, bassiste, auteur, compositeur Lech Janerka. Imaginez qu'il a d'abord été photographe dans un bureau de géodésie. C'est comme ça qu'il a commencé, qu'il a débuté la phase de travail de sa période adulte. Et en même temps, il chantait quand même sur la scène musicale en duo avec sa femme Bozena, qui est violoncelliste, dans des festivals étudiants. Ça, on parle de la fin des années 70. En 79, il a formé un groupe punk rock, Klaus Mifok, qui a sorti un seul album en 1984. Je vous en parle parce que c'est un album qui est reconnu comme un des albums majeurs dans l'histoire du rock polonais. C'est un album qui porte le nom du groupe Klaus, C-L-A-U-S, M-I-T-F-F-O-C-H, Mitzvkok. Le groupe s'est dissous dès 1984, d'ailleurs. Il a sorti quelques albums par la suite. En 2002, il a sorti l'album Few Few, qui se situe dans ce qu'on appelle le New Wave, la Nouvelle Vague. C'est de cet album qu'on va écouter la pièce Vieillée. D'abord, écoutons Moya Kres de la chanteuse Kasia Kowalska. Yeah. Wysyłam w kosmos pocałunki swe. Wysyłam w kosmos pocałunki swe. Komety niosą do niej SOS. Moje SOS, SOS, SOS. Wysyłam w kosmos pocałunki swe. Wysyłam w kosmos pocałunki swe. Komety niosą do niej SOS. Moje SOS, SOS, SOS. Niosą. sprowadzam się. C'était le groupe polonais Zitziki. Ça veut dire luciole, Zitziki, les lucioles en polonais.